Lime limia mama, lime bobesh na tishu, lime tet kita pla mama, bomba we bodi map met biem, ya osu am domi, rata mode mwena biem, we te mate ya mama, bomba bab domi soa, ya osu am domi, rata mode mwena biem, we te mate ya mama, bomba bab. Dormi soa Rat la dévoré moi maman Bam drage la tine nan tes choux Bam zoye plastique la maman Pour la garder moi nan vitrine, rat la dévorer moi maman. Bam drage la tine nan tichou, bam zorye plastique la maman. Pour la garder moi nan vitrine, fem dodo, passa dormi, wete matea, wete malè. Rat la mote moi, wete matea, on kapab dormi. Mettez ma lèvre, la clap moi de ma pire, moi besoin sorti, pas sa bête soulier, on capable sorti, mettez ma lèvre, mettez ma lèvre, on capable d'obi, papa, oui, papa, oui, envoie, envoie la clap moi de, envoie. Wete matea, on kapab dormi, rat la modem nan piye mwen, on pa sa met souliye, on bezwen soti, mwen pa sa soti, wete matea, wete male, on kapab dormi, mwen wi mama, fem dodo, pa sa dormi. Wete matea, wete mano, fem dodo, wete matea, wete mano, fem dodo, passa dodo, wete matea, wete mano, fem dodo, fem dodo, fem dodo. Avant de dormir dans la vieille caille planche.